fois j'ai le crack au pompe pour tes façons. Les risques de l'arto, les risques de cachot. J'te fous le crack dans le cul, le dealer est dans ton dos. Écoute, écoute, ça n'est négro. C'est atypique sur le tempo. Yo, yo, je raconte à pas parler de mon business de carte négro. De la blanche dans l'obscurité, du crack sur un réchaud. Désolé si ta grand-mère j'ai quelque chaud. Je stoppe du rêve, viens avec lumière si tu veux pécho. T'as des gros poupes, pépec, pépec, pépec. Non mais tu pèseras, fais pas le mec chaud. Ton grand-père t'a vu un poil sur un site gay porno. Dans ma cage, on m'abonne et m'abonne. Un peu en barricade, je vends tout du check des flingues, c'est Bagdad. Si tu es froid par toi, je bricoleur de corps. Je trouve un coup de fou la barbade. Au centre et au nord, quand je finirai mon bis, je barbote à barbade. Un parfum, une basket night dans la fenêtre de ton soir. Tu crois chaud parce que tu viens d'une DSI. Y'a des tas de pédés si ça pète trop ici. Moi j'aille mes diamants dans la merde. J'ai mon bise entre les tours. Un arbre à fric sur le terre-terre. J'fais l'art du nez du son lourd. Tu te prends en top avec un gun en plastique. Tu dis si mais tu pues la pisse fils. Ce fils ici, shallow fils ici. Et mes affreux licites, risque si tu veux quoi. Un pompe, tu rentres, tu sors. Fais du business de cabot. J'tope 4 au carreau. Carotte, moi j'ai crack au pompe pour tes fachos. Les risques de l'arto, les risques de cachot. J'te fous le crack dans le cul. Le dealer est dans ton dos. Fais du business de cabot. J'tope 4 au carreau. Carotte, moi j'ai crack au pompe pour tes fachos. Les risques de l'arto, les risques de cachot. J'te fous le crack dans le cul. Le dealer est dans ton dos. Dans la nuit, sois les maquets, les go. Sois pas malheureuse. Tire le joint plutôt. Souris, ouvre les yeux. On vient dans ton ghetto. Avec une pelle, je creuse tes rêves dans le cerveau. Sous la nuit brumeuse, sois les maquets, les go. Sois pas malheureuse. Tire le joint plutôt. Souris, ouvre les yeux. Je viens dans ton ghetto. Avec une pelle, je creuse tes rêves dans le cerveau. On fait du business de cabot. J'tope 4 au carreau. Carotte, moi j'ai le crack au pompe pour tes fachos. Les risques de l'arto, les risques de cachot. J'te fous le crack dans le cul. Le dealer est dans ton dos. On fait du business de cabot. J'tope 4 au carreau. Carotte, moi j'ai le crack au pompe pour tes fachos. Les risques de l'arto, les risques de cachot. J'te fous le crack dans le cul. Le dealer est dans ton dos. Pas d'a priori sur les gothiques couleurs au cœur. C'est eux qui viennent acheter mes cailloux. J'ai fait mon beurre. Si elle veut pas de riche, à qui je vendrais ma mère. Tu fais en costard à tes parents, je vends mon air. Qui a dit qu'à typique venez de la street. Ta gueule, moi j'aime plus bas de la cave, c'est ma casse-bas. J'ai ça en sous-sol, faire retirer la volaille. Je m'écrase et traître ça, je te vends un meurtre et toi. Choisis qui tu veux pétard. Tu me surprends pas, j'entends tes poids. Je me retourne, c'est fini pour toi.